bien bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2. Il est temps de nous retrouver pour notre émission mensuelle Les bons plans solidaires avec toute l'équipe de la Dream Team du groupe Solidaire Actif de l'association Arelia et nos invités aujourd'hui. Alors tout d'abord, bonjour Khadija. Bonjour Lionel, tout bonjour va bien à tous. Oui. Impeccable. Alain, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour Radio Fadjet. Allez, on dit bonjour aussi à nos invités. Bonjour Adèle de la MJC Nomade. Centre social nomade, tu as oublié Lionel. Bonjour. Et Adèle. Non, pas Adèle. Oh là là. Mais j'ai l'habitude. Dorine. Dorine. Bonjour Dorine. Bonjour à tous. Alors, on attaque tout de suite notre émission. Les bons plans solidaires, une émission pour vous informer, vous donner des bons conseils, des bons tuyaux. Et tout ça, comme vous voyez, avec le sourire. À la réalisation, on est prêt. Allez, top, c'est parti. Et on va commencer notre émission avec Khadija. Alors Khadija, on est au mois de juin, c'est le mois de la fête de la musique et tu vas nous expliquer ce qui va se passer de beau sur Nancy pour ce 21 juin prochain. Oui Lionel, aujourd'hui on va parler de la fête de la musique. C'est à partir de 21 juin en France et à Nancy, c'est une date marquante car la ville célèbre la fête de la musique avec une énergie débordante et une multitude de performances musicales. Cette année encore, la musique prendra possession de l'autre canal dans une célébration éclatante de la diversité artistique et du talent local. Dès l'entrée, l'atmosphère sera électrique, vibrante d'excitation et de promesses musicales. Un moment attendu arrivera ensuite avec la performance de 4 groupes issus des studios de répétition de l'autre canal, sélectionnés avec soin par un comité d'écoute composé de membres engagés. Ces artistes feront honneur à la scène locale avec des sonorités variées et des prestations enflammées. Pendant ce temps, sur la scène terrasse, l'association Esten Bass prendra les commandes pour une nuit de musique électronique. En outre, plusieurs autres concerts marqueront également cette journée spéciale annoncée. Concert de Kate et Emilien. Le duo franc-anglais annoncé le 21 juin 2024 à 13h. Au Salon de Justine, l'adresse c'est 15 rue Saint-Julien, annoncé. Concert de Free Folk pour la fête de la musique annoncé le 21 juin 2024 de 19h à 21h à la Taverne de l'Irlandais, 8 rue Mazagran. Au concert Reggae avec Soul Delight annoncé le 21 juin 2024 à 20h30 au Clou et le Bec, 30 place des Vosges. Concert à Gerville le 21 juin avec des groupes et des animateurs de Fadjet 94.2 près de la mairie à Tamblaine, à Lille ou à Lille. Le 23 juin à 20h30, fête de la musique et feu de Saint-Jean avec un concert Hossine chante joue d'assin. Ces événements contribueront à faire de la fête de la musique 2024 à Nancy et sa région une nouvelle fois une journée très agréable. Alors juste une petite reprise, c'est que la fête avec c'est à Gerville avec des groupes musicaux et les animateurs de Fadjet, pas à Tamblaine, à Gerville. Tamblaine fait les feux de la Saint-Jean le lendemain de la fête de la musique. Voilà, merci beaucoup Khadija. Maintenant, notre petite nouvelle, Dorine. Dorine, tu vas nous parler d'une petite recette d'un dispositif qu'on connaît bien ici au Bon Plan Solidaire. C'est le dispositif Fais-Tout qui permet de faire ensemble des petites recettes, etc. Donc, en tant qu'adhérente, tu vas nous expliquer une petite recette qu'on a fait dernièrement. Oui, elle a été créée il y a quelques mois et qui s'appelle le Vendopérien. Donc, c'est un dessert à base de produits de notre région. Pour cela, il vous faut des madeleines de Commercy, des mirabelles au sirop de la colline de Sion, un petit sachet de bonbons bergamote et de la crème chantilly. C'est très simple à faire. Vous prenez une petite verrine, style récup de verrine pour yaourt au dessert au chocolat. Vous coupez une madeleine dans le sens de la longueur et vous posez les deux demi-madeleines au fond de la verrine. Ensuite, vous prenez deux ou trois mirabelles que vous dénoyautez, impérativement, et que vous coupez en deux. Vous allez les poser sur les madeleines. Vous versez un petit peu de sirop de mirabelle de votre bocal dans la verrine. Pas trop, sinon les madeleines vont devenir de la bouillie. Vous laissez reposer 2 minutes la préparation afin que le bon sirop de mirabelle pénètre dans les madeleines. Une fois bien imbibé, vous allez verser un peu de crème chantilly sur la préparation. Ensuite, avec vos bonbons à la bergamote dans le sachet, vous les cassez en miettes avec un petit marteau. Vous ouvrez le sachet, prenez une pincée de bergamote pilée et répartissez-la sur la chantilly. La recette est prête et vous allez voir comme c'est délicieux. Le coût reste raisonnable, car pour faire 10 petits desserts Vérine, son revenu tout compris à 15 euros. Et il nous en restait encore la moitié pour en refaire plusieurs jours après, en mettant les produits au frigo. Au final, nous avons pu en faire 25 et cela revient donc à 60 centimes pièce. C'est un bon plan, non ? Bah oui, 60 centimes pièce fait maison par des artistes qui nous invitent d'ailleurs demain à en faire... pour tout le monde, hein. Pour vous tous, vous êtes invités. Voilà. Eh ben, merci Dorine pour cette belle recette. Eh bien, nous voilà maintenant avec notre invité, Adèle Yaha de la MJC Centre Social Nomade. Bonjour Adèle. Bonjour Lionel. Alors, vous êtes le coordinateur de la MJCCS Nomade à Vendeuvre. Oui. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre structure, bon, bien connue à Vendeuvre et dans l'agglomération ancienne ? Ah bah, c'est une MJC qui est sur le territoire vendeupérien. Donc, elle est affiliée à la Fédération française des MJC. Et puis, elle est aussi affiliée à la Fédération des centres sociaux. Donc, c'est pour ça. Donc, on est une MJC et un centre social donc, en même temps. Donc, on intervient sur le territoire donc, de Vendeuvre avec la particularité, c'est de mettre en place, d'organiser donc, des projets autour de la famille. Tout simplement. Voilà. Et puis on retrouve autrement toutes les activités habituelles qu'on peut avoir donc, dans une MJC, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. D'accord. Alors, courant juillet, justement, dans le cadre de tous vos projets, vous renouvelez la, je ne sais pas combien d'éditions de l'opération L'été au chapiteau. Je crois que c'est la quatrième. Non, ça fait un petit moment, c'est depuis 2009. Ah oui, alors. Ouais. Donc, vous renouvelez cette opération L'été au chapiteau. Vous avez un vrai chapiteau. Exactement. Ouais, on a un vrai chapiteau qui fait à peu près 200 mètres carrés. Et donc c'est un bel outil qui nous permet d'être visible, qui est assez coloré, et puis bah, qui nous permet d'être au plus près donc, du public, et de venir présenter, de préparer donc, des différents projets sur l'espace public. D'accord. Et vous installez le chapiteau à l'intérieur de la... Enfin, à l'intérieur, aux extérieurs, aux abords de la MJC ou ailleurs ? Alors là, on est installé, en fait... Donc la première fois qu'a eu lieu donc un été chapiteau, ça s'est fait près des Nations, donc sur la place du Benelux, hein, c'est pour ceux qui se souviennent. Voilà, donc le... Exactement, c'est ça. Donc l'espace n'était pas génial. Et donc on a déménagé sur l'espace en fait au parc des loisirs directement. Donc c'est un espace central. Donc là c'est beaucoup plus intéressant puisqu'il est très arboré, donc il est très joli, très bien entretenu. Hein. Et puis bah, on se sent aussi en sécurité. Voilà. Donc quand on vient, donc on peut venir courir sans forcément avoir la route ou des choses. Ouais, on est en plein parc, donc c'est super. On est en pleine nature. Comment l'idée est venue de créer l'été au chapiteau ? Et je crois que vous avez aussi un collectif d'associations qui se regroupent. C'est ça. L'idée par rapport à la manifestation en été chapiteau, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. L'idée, c'était de se dire, on a les vacances, et puis pendant cette période, donc c'est une période qui peut être compliquée, qui peut être assez longue, et tout le monde ne part pas forcément donc en vacances. Et de quelle façon on peut se réunir donc avec les partenaires pour faire vivre donc un espace, et puis pour impliquer aussi les associations du territoire et les habitants du territoire. D'accord. Alors, soyons concrets. C'est quand, c'est où, c'est quoi et c'est pour quel objectif ? Alors, c'est du 8 au 19 juillet. Ouais. Hein, donc, ça dure 2 semaines et c'est dans le parc des loisirs donc de Vendeuvre. Hein, donc, c'est en plein centre donc de Vendeuvre. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça permet de se retrouver donc en plein milieu de la ville, au milieu donc des bâtiments. Et puis, on a cet espace qui est préservé en pleine nature où donc, on y trouve donc des animations. Et dans ce parc, l'objectif avec les partenaires et avec les habitants, c'est de créer un espace de vacances, tout simplement. Super. Voilà. Donc c'est une période estivale, il fait bon, donc c'est les vacances. Et de quelle façon, de quelle façon on peut se réunir avec les habitants et puis avec les partenaires pour dire quelle coloration donc on donne à cet espace, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie donc d'accueillir les habitants, le public. D'accord. Et si je comprends bien, alors ça s'adresse à vos adhérents de la MJC Centre Social, ça s'adresse aux adhérents des associations partenaires, mais ça s'adresse aussi à tout le monde qui veut venir faire un petit tour. Exactement. Donc ça s'adresse vraiment donc à tout le monde. Il est ouvert, c'est ouvert à tous. L'objectif aussi, c'est l'objectif, c'est de faire en sorte aussi que les publics se croisent. Et Vendeuvre, dans le parc des loisirs, donc c'est un lieu qui est très intéressant parce que qui est assez réputé. C'est un parc où les gens de l'agglomération donc vont se reposer, viennent se balader donc avec les enfants. Et c'est un espace où on peut rencontrer donc des personnes qui viennent non seulement donc de Vendeuvre, mais qui viennent donc d'un peu partout. Et de quelle façon, après, une fois que ces personnes sont ici, de quelle façon on peut essayer mettre en place des choses pour créer donc la relation. Et donc pour pouvoir le faire, on met en place donc toute une programmation d'animation donc qui commence le matin de 10h jusqu'à peu près donc 18h. Donc là, c'est des animations, on va dire, qui sont ouvertes et gratuites donc à tous. Et puis, on a aussi un autre projet donc, d'animation, donc là, qui concerne un peu plus le public captif, donc avec une pratique artistique. Voilà. D'accord. Et donc, alors, quels vont être, hormis ces deux idées-là, quels vont être les temps forts de cette édition ? Alors, donc, la première semaine, on aura une coloration donc, autour de la danse contemporaine. Hein, et là, on va travailler donc avec une compagnie qui s'appelle la Compagnie Encore, où on va avoir tout un groupe, donc une trentaine donc d'enfants qui vont s'initier donc à la danse contemporaine. Et puis l'objectif, c'est donc d'avoir un temps fort et un temps de valorisation donc avec le groupe. Et on le fait à chaque fois en fin de semaine, donc le vendredi. Et on clôture aussi cette journée avec donc la participation, avec l'invitation donc d'une compagnie professionnelle pour croiser aussi donc les pratiques entre le milieu amateur et puis le milieu professionnel. Ah ouais. Donc on aura aussi donc un spectacle donc de danse avec la compagnie Encore, donc ce qui s'appelle les Effacées Belles, le vendredi 12 à 17h30. D'accord. D'autres points importants ? D'autres points importants. Alors, on a de la chance aussi d'être partenaire avec les quartiers musique du Nancy Jazz Pulsation. Et dans le cadre du festival, donc on accueille en fait des groupes pendant la période du festival. Et puis, on met en place aussi, donc on a aussi donc des projets qui sont donc à l'extérieur, en dehors donc du festival. Et là, on travaille pendant ses vacances avec un groupe donc de musique pour créer donc une fanfare urbaine, une sorte de batucada brésilienne. D'accord. Voilà. Avec un groupe qui existe déjà ou qui va se construire Va se construire donc sur toute la semaine. Donc là, ça va se dérouler pendant la deuxième semaine du 15 jusqu'au 19 juillet. Et on termine avec un concert avec le public le vendredi 19. Excellente initiative. Alors, hormis l'été du chapiteau, vous recevez aussi habituellement les enfants pendant les périodes de vacances. C'est ça. Je suppose que, hormis l'été du chapiteau, il va y avoir aussi à la MJC d'autres activités pour les enfants du quartier ou des autres quartiers de Vendeuvre. Oui. Alors, on a la chance d'avoir juste à proximité de la MJC, pas un jardin partagé, mais on appelle ça donc un jardin collectif, donc qui est animé par ma collègue qui s'appelle donc Iris et qui accueille pendant toute la période donc de vacances. Qui accueille donc le public pour pouvoir entretenir donc le jardin, pour faire des plantations, pour partager donc des repas, pour faire de la sensibilisation donc à l'environnement. D'accord. Et comme vous êtes aussi centre social, je suppose qu'il y a des sorties avec les familles, de prévues. Exactement. Des animations. Alors donc oui, on a tout le volet qui concerne donc la parentalité. Donc là, c'est avec ma collègue Laurie qui elle travaille sur plusieurs projets donc d'animation pendant les vacances. Donc on va se croiser dans le cadre de la manifestation déjà été chapiteau. Et puis bien entendu, donc il y aura des week-ends familles qui vont être donc organisées où là c'est les parents qui portent l'organisation donc de leur week-end et donc de leurs enfants pendant ces week-ends. Eh ben voilà, bel été qui s'annonce avec la MJC CS Nomade de Vendeuvre. Avant de nous quitter, Adèle, parce que le temps file, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates et lieux de l'été du chapiteau 2024 et comment fait-on pour s'y inscrire ou y participer ? Eh ben alors, donc, l'été chapiteau, donc, c'est du 8 au 19 juillet, dans le parc des loisirs donc, de Vendeuvre. Il y aura des animations qui seront en libre accès donc, à partir de 10h, donc de 10h jusqu'à 18h. Donc là, il n'y a aucune inscription. Mais par contre, pour les ateliers de pratique artistique, là, ça nécessite une inscription donc, dans notre MJC à l'accueil, voilà, tout simplement. Et puis, dans le cadre de cette manifestation, ben, donc, on a parlé tout à l'heure des partenaires, donc... Si on peut les mentionner, oui, on les a oubliés. Hein. Donc on le fait pas tout seul. Hein. Donc il y a une mobilisation donc des partenaires du territoire et donc ça c'est super chouette et important. Donc on a l'association Espoir 54 hein, ouais. qui intervient sur la cantine participative donc avec nous avec le dispositif bénévole intérim. On a donc Jeunesse Cité, on a le Fait-Tout aussi donc du GSA. Donc on a l'association Réponse, la TMF. Voilà donc il y a plein d'autres associations. Ouais, ça c'est vraiment super de pouvoir s'unir autour de l'été. Et permettre à tous les petits et moins petits de pouvoir quand même s'occuper sur une ville comme Vendeuvre. Eh ben merci beaucoup Adèle de votre venue à Fadjel dans l'émission Les Bons Plans Solidaires. On vous souhaite une pleine réussite dans cette prochaine édition de l'été au chapiteau et avec un beau soleil surtout et plein de sourires des petits et des grands qui viendront. Merci pour l'invitation. C'est nous, bonne journée. Et il est l'heure déjà de diffuser notre première pause musicale. Alors, on va faire une pause musicale spéciale Fête de la Musique. Savez-vous depuis quand et quelle année existe la Fête de la Musique ? Elle a été créée en... 1982. Oui. Et qui c'est qui l'a créée ? Un certain... Ministre de la Culture. Oui, Jack... Lang. Jack Lang. Vous avez raison, c'est ce que tout le monde croit. Eh bien, en fait, c'est vrai. Mais en même temps, pas si vrai que ça. Je vous explique. En effet, depuis 1975, l'UNESCO a créé la Journée internationale de la musique. Puis une fête est imaginée par Joel Cohen, un musicien américain travaillant à France Musique en 1976, qui proposait les Saturnales de la musique sur France Musique, les 21 et juin et les 21 décembre, pour les deux solstices d'été et d'hiver. Il organisait ce 21 juin-là, dans l'ouest parisien à Toulouse, une grande journée et soirée où il demandait à tous les musiciens connus ou pas de faire une animation et des concerts dans la rue. En 81, un mois après l'élection de François Mitterrand, André Henry, jeune ministre du Temps Libre, crée la Fête de la Musique et du Temps Libre pour célébrer l'arrivée au pouvoir du président de gauche et le discours de Léo Lagrange du 10 juin 1936. 100 000 personnes sont sur la place de la République à Paris pour écouter en concert gratuit Jacques Higelin et Téléphone. Face à ce succès, Jacques Lang, alors ministre de la Culture, reprend l'idée de Joël Cohen en 1976 et va intituler cette fête qui aura lieu dorénavant tous les 21 juin et partout en France, la Fête de la Musique. Cette initiative démarre donc en 82 et sera reprise dans nombreux pays européens et même dans le monde entier les années suivantes. Le slogan de l'époque disait d'ailleurs « Fête de la Musique » avec le verbe faire, fête de la musique. C'est là qu'intervient la chanson que nous allons vous diffuser. Un jeune animateur d'une MJC, auteur-compositeur-interprète de la banlieue parisienne, se fait remarquer en 81 sur France Télévisions dans un petit focus musical diffusé entre les émissions tard le soir avec des mini-clips. Sa chanson « Banlieue » fait à tabac auprès des téléspectateurs malgré l'heure tardive de diffusion. Ce qui entraîne un engorgement total du fameux et célèbre SVP 1111 pour savoir qui est chanteur et où se procurer le disque. Malheureusement, le disque n'est pas encore sorti chez les disquaires. Il sort en toute hâte quelques jours après. En voici un extrait d'une archive de Lina. Les banlieues ne les laisse pas vieillir, leur jeunesse se tire. Les banlieues, ta grisaille ne m'inspire que l'envie de partir. En voyant le slogan Fête de la musique, Karim Cassel, car il s'agit bien de lui qu'il s'agit, s'en inspire et sort un 45 tours qui va devenir un beau succès et une sorte d'hymne à la fête lors de la seconde année qui s'intitule « Fait de la musique » et qui donnera envie à plein de musiciens amateurs comme moi de sortir dans la rue avec les copains et jouer en public. On l'écoute et on se retrouve juste après. Musique. Eh bien, on se retrouve pour cette deuxième partie de notre émission Les bons plans solidaires avec la Dream Team du GSA de l'association Aurélia. Et on va retrouver maintenant pour notre prochaine chronique Alain qui, comme tous les mois, nous parle du projet où il intervient et où il participe, qui se trouve à Maxéville. Alain, tu nous parles du projet du jardin à l'assiette avec le Lopin de Léo. C'est à toi. Du jardin à l'assiette avec Alain. Bonjour à tous. Comme chaque mois, je viens vous parler du projet qui nous mène au Lopin de Léo, à Maxéville. Ce mois-ci, nous avons poursuivi nos travaux de jardinage. Nous avons eu de la chance. Il n'a pas plu les jours où nous y sommes allés. Et fin mai, il faisait même beau. Comme ça fait du bien d'être au jardin avec le beau temps. Nous avons donc continué à bêcher notre parcelle de jardin et ce n'était pas simple, car dans la terre il y avait beaucoup de cailloux et la terre était bien compacte avec tout ce qui lui a plu. Nous allons là prochainement planter des pieds de tomates sans oublier d'enlever les godets avant de les planter dans une terre qui sera bien nettoyée et donc meilleure pour les jeunes pousses. Nous sommes allés aussitôt sur la serre. Pour tamiser de la terre fine, nous avons pris les godets que nous avons remplis de terre, tamisés, pour mettre les graines de nos épices en petite quantité. Nous avons préparé du basilic, du persil, de la coriandre, de l'origan blanc, d'oignons blancs. Nous avons aussitôt préparé plusieurs sortes de tomates, des carottes et des choux frisés. On a vraiment bien travaillé avec les amis des autres associations. Nous avons déjà hâte de tout planter et de voir les légumes et épices pousser. Si vous saviez comme ça fait du bien de passer la matinée au jardin, loin de la pollution, à l'air frais. Et en plus, il y avait une superbe ambiance dans le groupe. Et Émilie et ses collègues sont vraiment super sympas. Si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille vraiment de la faire. Je suis sûr qu'il y a un près de chez vous, de jardin partagé. Je me renseignerai pour vous donner quelques adresses le mois prochain. À bientôt, les petits jardiniers. Bon, notre émission et nous accueillons cette fois-ci Bertrand qui remplace au plé élevé Françoise et donc qui va nous raconter la chronique ciné de Françoise. C'est à toi, Bertrand. Voilà, alors aujourd'hui, Françoise devait vous parler d'un film qui sort le 12 juin. Elle a vu la bande-annonce au cinéma et le film paraît très bien. Il s'appelle Juliette et son printemps, c'est un film de Blandine Lenoir et c'est son 7e film. Les acteurs principaux sont Isia Higelin et Jean-Pierre Daroussin. L'histoire est la suivante, Juliette est illustratrice pour enfants et retourne dans le lieu où elle a grandi pour passer 15 jours avec sa famille et ses proches qui ont tous des caractères très spéciaux. Le séjour devient un joyeux bazar qui va révéler des souvenirs et des secrets qui remontent à la surface. Les extraits qu'elle a vus, parce que c'est pas moi qui les ai vus, sont très drôles. Je vais aller le voir. Elle va aller le voir très vite. Françoise voulait nous parler aussi du dernier film qu'elle était allée voir. Eh bien, elle est allée voir le film avec Artus, un petit truc en plus. Et alors, comment elle a trouvé ce film ? Elle l'a trouvé super drôle, elle n'a pas arrêté de rigoler. Artus joue vraiment bien, les personnes handicapées aussi. Et ils ont beaucoup d'humour, tous. S'il est encore à l'affiche ou s'il repasse lors des opérations spéciales cinéma, Françoise vous conseille d'aller le voir ou le revoir. Eh bien, merci Bertrand d'avoir aussi bien remplacé Françoise. Et on continue. Avec de nouveau Bertrand, qui va nous parler cette fois-ci d'une manifestation où le GSA est allé se promener, qui était la dernière journée de la Foire Expo de Nancy. Elle doit mettre en. Oui, le GSA est allé à la dernière journée de la foire exposition de Nancy pour un après-midi de découverte. Les allées étaient remplies de promeneurs et de très nombreux stands, bien sûr, étaient sur cette foire. Il y avait, comme chaque année, de nombreux bonimenteurs qui vendaient des nouveautés incroyables. Un balai qui balait tout seul, la serpillière magique, etc. Nous avons vu également l'Urban Loop, deux places qui devraient être en service en 2026. Au rayon alimentation, il y avait de la charcuterie italienne, des nougats de Montélimar, des épices du Maroc, des spécialités des Caraïbes, car cette région du monde était l'invité d'honneur de la foire. Il y avait une grande exposition sur les Caraïbes et nous avons même pu croiser Jack Sparrow et les pirates. Nous sommes ensuite allés vers la ferme du Vermois où nous avons pu voir des ânes, mais il n'y en avait pas que là, des alpagas, des poneys, des poules, des cochons noirs. Il y avait aussi une roulotte pour promener les visiteurs. Nous avons terminé cette belle balade par le concert de Rico Bédez, un chanteur local que nous connaissons bien et qui était sélectionné dans le cadre d'un concours d'artistes organisé par France Bleu. Pourquoi tu dis les ânes en regardant Alain et tout le monde? Non, du tout. Oui, en parlant de Rico Bédez, on va justement faire notre deuxième pause musicale et on va l'écouter avec un extrait de son album Mondo Libero et sa chanson Alors viens, on se retrouve juste après. Apparu ce soir-là dans la rue, à me regarder de loin, désirant le bien, avec aussi cette vie pleine de bonheur, malgré nos peines au cœur. Tu m'as dit toute la nuit, alors viens, viens dans ma ville, alors viens, viens dans ma rue, alors viens. Viens dans mon monde, alors reviens, reviens dans ma roulotte. Tu étais apparu ce soir-là dans la rue, à me désirer loin, nous désirions le bien. Tu m'as suivi sous la lune de cul, oh, de Cupidon, dans notre joli camion. C'était romantique, c'était bon de partager toutes ces chansons. Jusqu'au bout de la nuit, tu m'as dit, alors viens, viens dans ma ville, alors viens, viens dans ma rue, alors viens, viens dans mon monde, alors viens, reviens dans ma roulotte. Elle que le bouleversé de tes sens effarouchés, mon cœur prisonnier. Oh, alors reviens, reviens dans ma ville. Alors reviens, reviens dans ma rue. Alors reviens, reviens dans mon monde. Alors reviens, reviens dans ma roulotte. Oh, cara mia, ma che fa, ma dove sei? Sto cercando dappertutto tutto nel mondo. Io vorrei essere sulla terra d'oro con te. Ti abbracciare forte. Lo farò con il cuore e col pensiero. Un beau matin peut-être tu reviendras et sans peine on se parlera. Des instants, des jours, des mois, des années passées à galérer sans toi. On se verra enfin comme des âmes guéries. On s'aimera sans rage et sans flatterie. On se dira juste des mots sans folie. Parce que le grand amour c'est comme ça. Yeah, yeah, yeah. bien, merci Rico. On te souhaite une bonne route et plein de bonnes choses pour les festivals et pour tout cet été. On poursuit notre émission. On arrive bientôt à la dernière partie de notre émission. Et on va retrouver Radija qui va nous, justement, nous raconter quelques petites infos qui vont se passer sur Nancy. Oui, aujourd'hui, on va parler tout d'abord et pour la quatrième année consécutive, Nancy Plage se déroulera toujours sur les bords de la Meurthe, plage de Derive, à Nancy et à Toblaine. Ce sera le 1er juillet au 1er septembre, toujours avec ses espaces aquatiques, ses animations d'été, un village olympique. Nancy vous propose aussi ses guinguettes avec leurs terrasses, concerts et animations variées tout l'été. Cette année, elles seront situées au parc sur la place Carnot, au parc de la Cure d'Air, au parc de Charles III, au jardin de l'école du musée de Nancy, porte de la Craffe. Retrouvez toutes les infos pratiques sur nancy.fr, rubrique Guinguette. Enfin, une autre bonne nouvelle, la piscine thermale est à nouveau ouverte au public pour tout l'été. Avec ses espaces baignades, son espace ludique, relax, ses animations et cours d'aquagym, profitons. Les endroits autorisés à Nancy sont rares et en milieu naturel, rivières et étangs, ils n'existent plus. Merci. Oui, c'est vraiment triste. Mais il nous reste encore la piscine thermale et quelques piscines comme le Lido ou comme celle de Vendeuvre. Il faut en profiter. Merci Radija. Alors, il est l'heure de terminer maintenant notre émission, mais pas avant de faire le célèbre jeu que le monde entier nous envie, qui est le jeu des animateurs de célébrités, les anniversaires des célébrités qui sont nés au mois de juin. Alors, vous êtes tous et toutes prêts? Je commence, c'est parti. Notre premier invité est né le 27 juin 1955 à Paris et aura donc 69 ans, très prochainement. Elle est actrice et chanteuse. Après avoir été découverte à la télévision dans quelques feuilletons et pièces de théâtre, mises en scène par Robert Hossein, elle rentre à 17 ans à la Comédie Française et devient très vite une vedette. Au cinéma, son premier grand rôle est dans le film La Gifle avec Lino Ventura. Isabelle Adjani. Oui, bravo. Allez, on écoute un extrait d'une de ses chansons que Gainsbourg lui avait proposée. Ouais. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Allez, on continue. Vous êtes prêts, vous êtes chauds, vous êtes en forme, c'est parti. Il est né, lui, le 20 juin 1984 à Paris. Il aura donc 40 ans. Il est franco-israélien. Il est né avec un handicap. En effet, il est sourd de l'oreille gauche. Malgré cela, il se lance dans une carrière de chanteur, auteur et compositeur. En 2011, il sort son premier disque, reprenant notamment deux chansons françaises, une de Patrick Bruel et l'autre de Mylène Farmer, mais en hébreu. En 2013, il est sélectionné et participe à l'émission Star Academy. Il termine troisième derrière le vainqueur Kenji Girac. Amir. C'est Amir. Amir, bonjour, oui, bravo. Mais comment tu... C'est Amir. Quel talent, Khadija. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. Allez, vous êtes prêts? Comme le temps tourne, on en fait une troisième. Oh. Il est né le 28 juin 1971 à Lavelanet, en Ariège. C'est le chauve le plus célèbre de France du XXe siècle. Sportif, vainqueur de la Coupe d'Europe des Champions avec Marseille en 95. Vainqueur de la Coupe du Monde 98 avec Zidane et Deschamps. Il est le footballeur préféré des nombreux Français de par sa cool attitude et ses prouesses dans les buts. Si je vous dis « I Will Survive » de Gloria Gaynor, repris en 98 par Hermès Houseband, et si je vous dis qu'il est chaud, Fabien Barthez. Oui, Fabien Barthez, allez. Et voilà, il est l'heure de terminer notre émission des bons plans solidaires. Je vais remercier toutes celles et ceux qui ont participé activement et joyeusement à cette émission. Merci Radija. Merci Lionel. Merci Anna. Merci Lionel. Merci Adèle. Merci Lionel. Merci Dorine. Dorine. Et merci Bertrand. De rien. Et merci à la réalisation. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Bon Plan Solidaire. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, bye bye. Bye bye.